Un jour, Clarabelle, une vache de Moselle, est allée dans la Meuse, pensant boire de la gueuse. Elle s'est retrouvée à bouteille à côté d'une rivière que l'on appelle la Chier. Et soudain, elle s'est mise à chanter. Mon étron est vert d'un côté. Mon étron est vert d'un côté. Mon étron est vert d'un côté, car en effet, vert était à côté. Mais un beau taureau qui venait de par le duc ne trouvait pas ça très beau, bien qu'il voulait lui foutre son truc. Pour lui dire de l'enlever, il s'est mis à chanter. D'un côté, mon étron est vert d'un côté. Mon étron est vert d'un côté. Vert d'un côté. Vert d'un côté.